Jamais dire jamais. Oh là là, que n'avait-elle pas fait là, la pauvre Faustine? Jeter le bouillon de la chinoise, c'était bien la pire façon d'inaugurer l'année. Quand l'oncle Walter a réalisé que le repas du jour de l'an serait exempt de son bouillon préféré, pour lequel il s'était réjoui une année entière, son cri de frustration a retenti des Alpes au Tyrol. Faustine s'en souviendra longtemps. D'autant que durant les 20 prochaines années, chaque fois qu'ils se reverront, Tonton lui rappellera le scandale de son acte. Il ne le lui pardonnera jamais. Après son crime, Faustine rentre à Bâle et retourne au boulot le moral dans les chaussettes. Ce n'est pas facile d'être seule et encore moins de se sentir mal aimée par une partie de sa famille, sans compter qu'elle a vraiment passé pour une gourde aux yeux de tous les jeunes gens présents. Dommage, il était bien mignon, le pétard. Heureusement, Bernard passe en coup de vent, lui demande si elle veut bien venir au souper de sa boîte, auquel cas il passera la prendre vers minuit. Tu parles si elle veut, elle n'avait pas besoin de plus pour retrouver sa bonne humeur. Avant la fermeture, elle fonce se maquiller dans les toilettes du resto, du noir, du rouge, la voilà enfin prête. Elle attend, elle attend, elle attend. Enfin, un jeune homme, format camionneur, beau mec, tignasse bouclée, s'approche d'elle. Il lui explique qu'il est envoyé par Bernard, son collègue, qui n'a pas pu se déplacer en personne. Il l'a chargé de lui ramener la jeune femme. Faustine le suit en confiance. Une demi-heure plus tard, ils finissent par arriver dans une vieille grange aménagée au fin fond d'une cambrousse perdue. S'y retrouve l'ami Bernard. Il n'est pas venu lui-même parce qu'il avait déjà trop bu et qu'il ne voulait pas risquer son permis. Faustine comprend et lui demande si malgré tout, il se sent assez enfant pour danser. Oui, bien sûr, surtout des slow. Là, je ne risque rien, dit-il en entraînant sa compagne sur la piste. Tu ne risques rien? C'est ce qu'on va voir, pense Faustine, se collant langoureusement à lui, retrouvant son vieil instinct de séductrice. Quand Faustine se réveille quelques heures plus tard, elle est dans sa chambre, sur son lit, et levée dans les bras de Bernard, qui dort paisiblement. Sans oser bouger, elle se déroule le film de la soirée au ralenti. Ils sont sortis de la grange après une longue série de slow, ils ont marché dans la neige fraîche qui continuait à tomber tout doucement, en gros flocons paresseux, crissant sous leurs pas. Ils ont partagé une cigarette en regardant les branches des sapins blanchir peu à peu. Ils ont même eu droit à l'apparition d'un timide croissant de lune entre deux nuages. C'était si beau que ça leur a donné envie de s'embrasser. Et voilà. Après, il y a eu l'incendie. Que l'eau qui dort, dont on ne se méfie jamais assez, n'a pas réussi à éteindre avant le lever du soleil ou le coucher de la lune. Appelez ça comme vous voulez. Surtout ne pas scier, prolonger l'instant, la béatitude. De la pointe de ses orteils à l'extrémité de ses boucles brunes, Faustine se sent femme, incroyablement vivante. Elle qui avait fini par se persuader qu'elle était frigide, à force de ne plus rien ressentir pour René, a découvert cette nuit une palette de sensations insoupçonnées. Pas un atome de son corps n'a échappé aux affleurements virtuoses, attentifs, précis, redoutablement efficaces. Chacune de ces cellules a consenti, spont et sua, à cette domination sensuelle, cet assujettissement au désir, l'encheminement vers l'assouvissement, l'accession au paroxysme de leur plaisir partagé. Faustine soupire. Que c'est beau un homme, un vrai, dans toute la force de ses 30 ans. Que c'est sublime un homme, un vrai, qui s'abandonne à la confiance, s'émerveille au matin du monde, réinvente les jeux de l'amour. À ce souvenir, elle se sent rougir. Alors que son doigt parcourt distraitement le théâtre des opérations, réveillant subitement le soldat bien connu. « Viens par là, coquine !» Bernard emprisonne son ami dans l'étau de sa main, pendant que l'autre, au sein d'un océan de caresses, fait monter des vagues de volupté. Les dernières digues de pudibonderie cèdent sous le tsunami d'émotion. La sirène se révèle aux marins dans la mer déchaînée, jusqu'à ce que les deux amants comblés et assouvis s'échouent sur la grève, appelant à la grâce. Heureusement que Faustine ne travaille qu'à 16 heures aujourd'hui. C'est bien calme au boulot en ce début janvier 1976. Bernard, qui profite de quelques jours de repos, rejoint Faustine dans l'après-midi. Sitôt qu'elle a une minute, la jeune femme vient s'asseoir vers lui et ils reprennent leur conversation. Elle lui raconte son enfance, sa jeunesse de petite fille gâtée. Il lui relate ses aventures, ses 5 années passées dans la marine française, en poste aux 4 coins du globe. Il poursuit avec son mariage raté, son divorce, son retour chez ses parents à Saint-Louis. En tant que frontalier, il a eu toutes les facilités pour trouver un bon emploi en Suisse. Et la chance de tomber sur un excellent patron qui lui a permis de refaire surface après son fracassant naufrage. Il avoue cependant que l'arrivée de Faustine dans sa vie, alors qu'elle se sent encore très vulnérable, l'effraie un peu. Il a tellement souffert. Si Faustine n'est pas sincère, il n'y survivra pas. Il préfère tout arrêter immédiatement. « Donnons-nous une chance, » lui répond cette dernière. « Les promesses ne servent à rien qu'à tenter de nous rassurer. Moi, je te prouverai que toutes les femmes ne sont pas des traîtresses. » À minuit, Faustine est libérée de ses obligations. Les deux amants rentrent ensemble, enlacés, sereins. La nuit leur appartient.